Ainsi se termine à Paris cette nuit spéciale consacrée à la France mystérieuse, à la France très rurale des superstitions, croyances populaires, sorcellerie et rites magiques, ainsi qu'est défini le dictionnaire de la France mystérieuse publié l'automne dernier chez Omnibus, dont vous êtes l'auteur Marie-Charlotte Delmas. Alors une nuit spéciale qui nous a conduit successivement sous terre, en tout cas dans la grotte de Montespan, en compagnie du spéléologue Norbert Castoret, en 1945, puis en Isère, Savoie, dans le Dauphiné, dans le Berry, pour suivre le Loup-garou, dans la matinée des autres proposée par Roland Auguet en 1981. Aux côtés de Claude Seignol, fantastiqueur, on l'a dit, grâce à Appel d'air proposé par Marie-Hélène Freissé en 2002. Puis, Dieu sait où, au pied d'un gibet où pousse une mandragore. Ça, c'était dans 10 récits par Claude Métra qui nous remettait en mémoire le texte d'Achim von Arnim. Nous avons ensuite exploré le bocage dans Changement de décor avec Françoise Celleron. L'émission date de 1998, Nuit des sorcières, des conjureux, etc. Et enfin, à l'instant, ces étranges légendes urbaines, pour le coup, racontées par Madame Ziegler et Jacques Yonnet. Nous avons aussi reçu Grégoire Solotareff, venu nous parler de son dictionnaire des sorcières, publié à l'École des loisirs, et Roger Brunet pour son Trésor du terroir, les noms de lieux de la France, publié à CNRS édition. Alors, toutes ces archives et nos rencontres avec Grégoire Solotareff et Roger Brunet sont à réécouter et à télécharger sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture, bien entendu, en même temps que notre entretien de début de nuit, Marie-Charlotte Delmas. Vous nous avez raconté comment vous avez précédé au fil des années donc pour collecter et puis éclairer toutes ces croyances populaires, sorcellerie, rites magiques, etc. Alors tout ce travail passionnant donc aboutit au dictionnaire de la France mystérieuse. Et donc c'est grâce à ce dictionnaire qu'on a eu cette idée de passer toute une nuit au mystère. Et dans quelques semaines, donc vous nous l'avez dit, va sortir toujours chez Omnibus un second volume ou un deuxième volume, je ne sais pas, en tout cas un nouveau volume, Dictionnaire de la France merveilleuse. Vous ne nous avez pas tout dit tout à l'heure, bien entendu, Marie-Charlotte Delmas, en tout cas pas sur le surnaturel, les êtres fantastiques, les apparitions et les dieux enchantés. La preuve, c'est que c'est donc le sujet du prochain volume. Oui, c'est le sujet du prochain volume parce que bon, d'abord, ça aurait fait non seulement ça aurait fait un livre trop gros, mais en plus, le second est assez différent dans la mesure où on est vraiment dans du légendaire très localisé. C'est telle pierre, c'est telle fontaine, c'est tel village, c'est telle église construite par les fées, c'est tel monument bâti par le diable, etc. Donc là, on est vraiment dans du légendaire qui est finalement qui entoure toutes ces superstitions. C'est l'univers de ces gens qui font ces paysans, qui perpétuent ces rites, vivent dans un univers de légendes que l'on raconte à la veillée, lorsqu'on se réunit l'hiver à partir de 5h, 6h du soir pour économiser des bûches et puis pour économiser de la chandelle. Et donc on se retrouve, on raconte les choses du jour, les potins du coin, mais aussi on va raconter des choses qui sont arrivées il y a quelques années, tel fantôme, telle madame un tel qui a rencontré un lutin, monsieur un tel. Alors c'est vrai que la majorité des personnes n'y croient plus vraiment à la fin du 19e siècle, mais il y a encore des croyances assez agissantes de fées, de lutins. Et en tout cas, on connaît les légendes, on les raconte encore, même si une partie de ces êtres surnaturels a migré dans une autre famille, qui est celle des croque-mitaines. Parce que quand on ne se sert plus, quand on ne croit plus dans un être surnaturel, mais qu'on connaît sa légende, eh bien, sa vie n'est pas terminée. Il peut encore servir pour faire obéir les enfants. Et donc, il devient un croque-mitaine et on dit à l'enfant, attention, parce que si tu vas près du ruisseau, la bête avette va t'attraper et puis elle va t'amener au fond de l'eau. Autant l'éloigner de la rivière, de toute manière. Voilà, donc il y en avait dans les puits, tous les endroits dangereux et puis l'obéissance. Voilà. Donc, certains êtres surnaturels, comme ça, qu'il s'agisse de fées, de lutins, d'animaux fantastiques, les revenants et les fantômes, c'est encore autre chose. Mais voilà, tous ces êtres surnaturels continuent à exister sous forme de croque-mitaines et aussi sous forme de croyances dans certains lieux, parce qu'on y croit encore. Hein. Et quand vous promenez, voilà. Marie-Charlotte Delmas, très brièvement, on va passer la journée, c'est hélas, mais il y a encore des gens qui croient, alors peu importe la région, mais enfin qui vous informe de nouvelles croyances populaires. Oui, oui. Par exemple ? Partout où je vais. Bah, c'est... On se dit, tiens, c'est Marie-Charlotte Delmas, elle est... Et voilà. Mais est-ce qu'on vous raconte c'est exactement pas des... ça. On vous raconte pas des blagues, peut-être, non ? Alors, on les invente pour vous faire plaisir ? Non. Donc, j'ai rencontré il y a 2 ans des personnes très sérieuses, avec des métiers très sérieux, même si ça ne veut pas dire grand-chose, mais bon, qui cultivent par exemple leur jardin avec des fées, des lutins, voilà, des êtres de la nature qui sont ceux décrits par Paracelse au Moyen-Âge. Donc peut-être qu'aujourd'hui Paracelse donnerait d'autres mots à ça. Et puis effectivement, très souvent quand je suis dans des salons en dédicace, les gens viennent me voir pour me dire qu'ils ont vu des fées, qu'ils ont vu des lutins, qu'ils ont vu, voilà. Moi, je porte absolument aucun jugement là-dessus. Ils ont vu des fées, tant mieux. Ça doit être très joli. Moi, je n'ai jamais rien vu, hein. Alors, je vous mets tout de suite à l'aise. Je n'ai pas vu de fantômes. Je n'ai pas, j'espère ne pas en voir, parce que voilà, je n'ai pas vu de lutins, pas de fées, rien du tout. Mais la journée ne fait que commencer. Voilà. Bon, le dictionnaire de la France mystérieuse, Marie-Charlotte Delmas, chez Omnibus. En attendant, le dictionnaire de la France merveilleuse. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était la nuit spéciale, la France mystérieuse, Philippe Garbi, Élise Leu, Hassan Mbechour, Virginie Mourté. Donc toute cette nuit est à réécouter en ligne, téléchargée sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. Très bonne journée à toutes et à tous. I know you, I walked with you once upon a dream.